Everybody is C'est le fossile auquel nous appartenons. Alors Interville, France Capitale, énorme est-il, ne peut envoyer bout du camp. Et vous le savez, nous avons, nous c'est bout du camp. Vous le savez, nous avons, bout du camp, production. Vous le savez, nous avons, nous c'est bout du camp. Vous le savez, nous avons, bout du camp, production. Tout va bien pour toi, on dit bap la bap la. Babla babla on dit molbe sur toi. Molbe, dédicace au raga. Molbe, dédicace au occitan. Molbe, dédicace au bivouac. Molbe, dédicace au catalan. Oui, nous marchons au son de l'échantillon. Et nous avons tout un tas de sons. Oui, nous marchons au son de l'échantillon. Et nous avons tout un tas de sons. Il n'y a pas de problème, tu vois, tu es blême, pas de problème. Il ne faut pas que tu traînes, pas de Paris, on n'est pas de Paris, pas de Paris, on est de Paris, si, eh, pas de Paris, pas de Paris, on n'est pas du tout de Paris, pas de Paris, pas de Paris, on est oui de Paris, si. Paris, c'est Toulouse au sud de la France qui avance dans la danse. Je n'ai pas besoin d'une grande vérité, simplifier la réalité est compliquée. Jean Valjean, bébé ou ange B, mettez le son. Vous savez, nous le savons, nous c'est pour du con. Vous le savez, nous le savons, beaucoup de contradictions. Vous le savez, nous le savons, nous c'est pour du con. Vous le savez, nous le savons, beaucoup de contradictions. Qui revient dans le son? Jean Valjean. Qui revient dans la danse? Bruno Bonne. Qui revient dans le son? Ange B. Qui revient dans le son? Occitan. Qui revient dans la danse? Excitan. Qui revient dans le son? Expliqué. Qui revient dans le son? Explosé. Qui revient dans le son? Produit en production. Deux obus qui pétaient. Une femme qui pleurait. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te lève aucune chance. J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau, quand les flics sont arrivés, criant de bande de négros. Après avoir pu le coup, j'avais des menottes dans le dos. Ils poussaient et rigolaient, me regardant de bas en haut. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, l'un d'entre eux a crié oh. Si tu joues pour les mariottes, tu finiras dans un cachot. Je disais je ne comprends pas, et j'atterris chez les fachos. Arrivé oh, commissariat, on traitait déjà de salaud. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, la police maintenant ne te laisse aucune chance. Je venais juste d'arriver, j'avais les flics sur le dos, comme si l'un d'entre eux croyait que je faisais partie d'un commando. J'aurais dit il fait très chaud, pourrais-je avoir un verre d'eau. Ils m'ont dit pour qui tu prends ici, t'es pas au resto. L'inspecteur me dit mon pote arrête de jouer les rigolos, car j'étais parachuté, j'ai l'habitude des héros. Tu es dit t'as rien compris, je me prends pas pour un héros, car mon nom c'est Edja, mon business c'est les genoux. Oh oh, nous vivons tous dans une ère de violence, la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Liberté. Quand un flic est arrivé me demandant mes papiers, il voulait me faire croire que c'était une formalité. Mais dans les minutes qui suivent l'histoire a basculé. Tu as dit excusez-moi car je suis très pressé. Il est bientôt minuit, je dois aller rapper. Il a dit j'ai tout mon temps et moi je ne suis pas pressé. Et puis tu n'as rien à dire car tu n'es qu'un immigré. Oh, nous vivons tous dans une ère de violence, la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, la police maintenant ne te laisse aucune chance. Tu as dit tu fais erreur et puis rends-moi mes papiers. Je ne suis pas un terroriste, ni un vacancier. Ma copine vient d'arriver, je dois donc y aller. Excuse-moi mon pote si c'est une belle tisse. C'est alors que ses potes sont arrivés, lui disant est-ce que t'as des problèmes avec ce bronzé. Il a dit mais oui, il vient juste de m'insulter. Ce n'est que récalcitrant, il faut le corriger. Tu as fait une balayette, tu t'es cassé le bras. Ses copains me sont tombés dessus, j'étais seul, tant pis pour moi. Oh, nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. L'écho des Garrigues 88.5. tiempo intentando explicarme cómo pienso cuando salgo de un nuevo hacia adelante. Y puedes hablar en mi mente de mi estado, pero debo asegurar que no puedes separarme. Soy como la bala que sale del cañón, luego rápido sin miedo, según dice la razón. Que mi éxito te asusta, yo no te deseo el mal. Sintoniza el futuro y ven a darme la razón. Es el tiempo perdido el que nos recupera. Pues estás a la altura, ya que es lo que esperas. Me canso de tu pensamiento y por tu culpa aquí estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas porque no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes que te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? Sé cuál es el precio que yo pago por todo esto, pero tarde o temprano vas a verme en mi puesto. Criticar, deshacer y volver a preguntar. No he venido aquí para tener que esperar a que un día te decidas que para mí vas a arriesgar. Porque se me invertir, porque yo voy a subir. Si das un paso en falso, tú te vas a arrepentir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas porque no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes que te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? Yeah, boy, my spell is quite a time to come out on a crazy stupid tip in 1992. You know what I'm saying? Get busy for him, Jeff, boy. Yeah, foreign nation, taking knowledge. We got Jeff, boy, on the mic. Man, we got dudes getting next beyond the turntables. Yo, we do that right. My name is King and Sailor, and we gonna kick it like this. Foreign nation is full of effect, man. Yo, Jeff, boy, why don't you just bring in this shit and kick it in line for me? Yeah, kick it on the Spanish tip, Jeff. Soy como la bala que sale del cañón. Muevo rápido sin miedo, según dicta la razón. Que mi éxito te asusta, yo no te deseo el mal. Sintoniza el futuro y ven a darme la razón. Es el tiempo perdido el que nos recupera. Por eso estás a altura, sé que es lo que esperas. Me canso de tu pensamiento y por tu culpa aquí estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas porque no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes que te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? Sé cuál es el precio que yo pago por todo esto, pero tarde o temprano vas a verme en mi puesto. Criticar, deshacer y volver a preguntar. No he venido aquí para tener que esperar a que un día te decidas que para mí vas a arriesgar. Porque te están invertir, porque yo voy a subir. Si das un paso en falso, tú te vas a arrepentir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escuchas porque no tienes valor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no comprendes que te han partido en dos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no confías y lo tuyo se acabó? الليلي هدي مدة وزمان الليل وين نقول بزيان حبك تنقلبي وحيد الليلي مشيتي وخليتي أنا وقلبي مهموم بيك مبلي شباب سبلادي مشيتي وخليتي أنا وقلبي مهموم بيك مبلي شباب سبلادي C'est l'écho des Garrigues.